Ngere. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition à langue française dont voici les principaux titres. 77 personnes sont déjà mortes suite à l'épidémie de rougeole depuis le mois de janvier jusqu'à mi-mars de cette année au Burundi. Et le Conseil des ministres tenu au cours de la semaine a recommandé la poursuite de la vaccination chez les enfants de 6 à 5 à 9 mois. Et le représentant du Conseil des médiateurs de la colline Makamba 2 en commune province Makamba déplore que certains de la localité sous-estiment son conseil sous prétexte de leur fonction ou position. Au niveau du tribunal de grande instance de Makamba, l'on précise que tous les conflits en matière civile au niveau de la communauté doivent être entendus d'abord au niveau de ces conseils avant de saisir d'autres cours. Et les habitants de la ville de Kayanza plaident pour la réhabilitation des avenues. Regrette qu'en pleine période de pluie, des véhicules éclaboussent les piétons. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le Conseil des ministres est tenu mercredi de cette semaine. C'est convenu sur l'immédiateté de la délocalisation des populations affectées par les inondations, surtout celle de la zone Gatumba. Dans un extrait du compte rendu du Conseil, Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, n'a précisé ni le débit de cette opération, ni les endroits prévus pour abriter ces populations victimes. Ce Conseil des ministres a en outre conclu qu'il faut continuer à sécuriser le port de Bujumbura pour minimiser les dégâts suivent. Aujourd'hui, le phénomène El Niño observé en 2014 refait surface avec une montée progressive des eaux du lac Tanganyika depuis l'an 2018 et qui est en train d'atteindre le paroxysme de cette année-ci, dépassant le plus haut niveau qui avait été atteint en 1964. Ce phénomène est à l'origine de fortes précipitations et affecte beaucoup de personnes, tandis que d'autres sont aujourd'hui déjà des déplacés internes, surtout à Gatumba. Par ailleurs, la population est déjà menacée par les animaux aquatiques, comme les hippopotames et les crocodiles. Le travail le plus urgent est de délocaliser les personnes affectées et leur porter assistance en vivres et non-vivres, et par la suite envisager d'autres actions à court, moyen et long terme. Après échange sur la note, le Conseil des ministres a abouti notamment aux conclusions suivantes. Premièrement, délocaliser immédiatement la population affectée, surtout celle de Gatumba, et trouver où l'installer de façon définitive en dehors de la plaine. Deuxièmement, disponibiliser les moyens pour l'aménagement des sites de délocalisation. Troisièmement, lancer un appel à la solidarité nationale pour les vivres en faveur de ces victimes. Quatrièmement, délocaliser aussi les infrastructures publiques comme les écoles, les centres de santé et les hôpitaux. Cinquièmement, exiger l'aménagement des puisards dans toutes les parcelles mises en valeur. Sixièmement, continuer à sécuriser le port de Bujumbura pour minimiser les dégâts. Septièmement, mettre en place un comité pour évaluer les pertes économiques et d'autres dégâts et assurer le suivi de cette situation. Ainsi, les ministres ayant l'intérieur, les infrastructures, la santé publique, l'environnement, la solidarité nationale et la défense nationale dans leurs attributions ont été désignés à cet effet. Selon toujours le Conseil des ministres, 77 personnes sont déjà mortes suite à l'épidémie de rougeole depuis le mois de janvier jusqu'au 19 mars de cette année au Burundi. 19 districts sanitaires sont aujourd'hui touchés. Et pour lutter contre cette maladie, ce Conseil des ministres a recommandé la poursuite de la vaccination chez les enfants de 6 à 5 à 9 mois. Encore une fois, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima. Depuis 2022, le Burundi a connu des épidémies localisées et des ripostes localisées qui ont été organisées sans aboutir aux résultats escomptés. L'épidémie de rougeole touche actuellement 19 districts avec 741 cas notifiés, dont 77 décès depuis janvier jusqu'au 19 mars 2024. Afin de maximiser l'impact de la riposte vaccinale, la stratégie est de faire une riposte nationale. La cible est constituée d'enfants de 6 mois à 5 à 9 mois, soit 2 143 165 enfants à vacciner. La note avait pour objet d'informer le Conseil sur la campagne de vaccination en cours ainsi que les moyens qui restent à acquérir. Le Conseil des ministres a recommandé de poursuivre la campagne de vaccination et de disponibiliser tous les moyens nécessaires. C'était Jérôme Nyonzima, il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Et l'hôpital national du cinquantenaire Natre Turashoboye de la province Karusi se trouve actuellement dépassé par le nombre de patients par rapport à sa capacité d'accueil. Et les responsables sanitaires et administratifs de la province qui regrettent que le Bouha n'a pas pu clôturer à temps les travaux de finition d'un bloc de cet hôpital, un bloc dont la réception reste attendue depuis l'année passée. Le gouverneur de Karusi, Devote Nisigiman, a demandé l'intervention des représentants des natifs pour qu'ensemble ils puissent plaider pour la réception sans délai de ce bloc de la pédiatrie qui pourrait un peu désengorger cet établissement sanitaire de Karusi. Blaise Pascal Kararumi. À cet hôpital national Natre Turashoboye du chef-lieu de la province Karusi, et précisément au service de la pédiatrie et même à la chirurgie, on constate que dans les différentes salles, 2 à 3 enfants malades se partagent le même lit d'hospitalisation et certaines des mères avec leurs enfants sont sur des matelas étalés par terre. Cela est même remarqué au service gynéco-obstétrical où le lit est surtout réservé à une mère qui a eu l'opération césarienne pour mettre au monde, comme l'expliquent les mères y rencontrées. Dans ces services, la capacité d'accueil est actuellement dépassée, alors que l'hôpital en avait prévenu par la construction d'un bloc de pédiatrie, comme l'expliquent les sources sur place. Ces mêmes sources signalent que les travaux de finition de ce bloc durent plus d'une année et demie. Des travaux actuellement exécutés par le Bouhao, qui est chargé des infrastructures publiques. Comme indiqué dans la réunion de ce samedi, à l'intention des 4 natifs et résidents de la province Karusi, le gouverneur et le médecin provincial ont affirmé être au courant de cet état de fait. Et ils ont déploré qu'il y a très longtemps, plus de 5 mois, que l'hôpital attend la réception de ce bloc. Les sources de l'hôpital indiquent que l'argent qui était prévu pour ces constructions avait même été donné avant le début de ces travaux, comme le confirme la direction de l'hôpital. Le gouverneur Devote Nisigimana a ainsi demandé aux représentants de ces natifs et résidents de la province Karusi pour qu'avec lui, ils puissent décrocher sans délai la réception de ce bloc, un bloc qui pourrait un peu désengorger l'hôpital de Karusi. Blaise Pascal Kararumié de Karusi. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, le représentant du conseil des médiateurs collinaires sur la colline Makamba 2 en commune et province Makamba déplore que certains de la localité déconsidèrent la place de ce conseil selon leur fonction ou rang et qui n'acceptaient pas d'être conseillés à partir de ce dernier. Lors de la réunion de ce vendredi tenue par le gouverneur de cette province à l'endroit de la population de la zone Makamba, celui qui avait représenté le procureur de la République et près le tribunal de grande instance de Makamba précise que tous les conflits en matière civile doivent être entendus d'abord au niveau de ce conseil des médiateurs avant de saisir d'autres cours de Makamba. Élisée Cuisir. Lors de cette réunion de ce vendredi, Ketantine Chutina Magara, gouverneur de la province Makamba, a tenu à l'endroit de la population de la zone commune Makamba, Niyibi Mamirika, représentant les médiateurs collineurs sur la colline Makamba 2, dit qu'il y a des personnes qui les déconsidèrent selon leur rang au niveau de la société. Elle annonce que ces personnes ne répondent même pas aux convocations, afin de ne pas être conciliées à ce niveau et saisissent en revanche les tribunaux. Niyibi Mamirika demande l'intervention auprès des instances habilitées en matière des procès civils. Arma Visesere, ayant représenté le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Makamba, a indiqué au cours de la dite réunion que nul n'a le privilège de juridiction, que toute personne doit d'abord saisir les médiateurs collineurs avant de recourir au tribunal et demande que ces médiateurs soient respectés. L'article 10 de la loi numéro 1 2021-03 du 23 janvier 2021 portant complément des dispositions du Code de procédure civile relative à la réinstitution du Conseil des notables de la colline stipule que, en cas de défaut de comparution non justifiée d'une des parties à double reprise, les médiateurs collinaires dressent un procès verbal de non-comparition et donnent leur avis sur le litige. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera et les habitants de la ville de Kayanza grognent que beaucoup d'avenues au niveau des quartiers sont en mauvais état et souvent pleines de nids de poules. Et les usagers de ces avenues regrettent que les véhicules éclaboussent les piétons en période de pluie et demandent leur réhabilitation avant tout incident. Zeymana Jean-Baptiste est responsable de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitant et de la construction au Buha, antenne Kayanza, révèle que cette question d'impraticabilité de ces avenues trouvera solution dans les jours à venir quand elles seront construites en pavé de Kayanza. Patrick Nsengiyumba. Des avenues de la ville de Kayanza permettant la perméabilité des quartiers étant en mauvais état sont surtout l'avenue reliée au quartier Gati à la route principale, celle reliée à la principale et le quartier Kilema. Les usagers de ces avenues disent qu'elles contiennent beaucoup de nids de poules qui retiennent des eaux de pluie et en cas de passage d'un véhicule déploré, ils subissent des éclaboussements des eaux sales. L'exemple est celui d'un élève étudiant au lycée technique Hosanna se trouvant dans le quartier Gati qui témoigne que ces derniers jours, un élève et son camarade a été éclaboussé en cours de route vers l'école et qu'il a été obligé de retourner à la maison pour changer d'uniforme. Une femme habitant au quartier Kilema fait savoir qu'à cause de ces nids de poules, des habitants se bousculent au bord des routes pour se frayer en chemin, ce qui peut faire mal aux enfants portés sur le dos de leur maman. Des transporteurs à vélo aussi à Kayanza grognent qu'à cause du mauvais état de ces avenues, leurs engins s'abîment rapidement. Les habitants de les avenues de leur quartier sont en mauvais état, demandent que ces dernières soient réhabilitées, que même des maisons d'habitation se trouvant en dessous de ces avenues commencent à s'écrouler. Au niveau de le bois, antenne Kayanza, on dit que ces avenues sont endommagées par des ondes de pluie en provenance des parcelles de la population. Jean-Baptiste Nzeyimana, chef d'antenne provinciale de ce service à Kayanza, demande aux administratifs de multiplier des sensibilisations auprès de la population sur le creusement des puisards qui retiennent des ondes de pluie. Il tranquillise pourtant que la question de ces avenues aujourd'hui en mauvais état à Kayanza trouvera la solution les jours à venir quand elles seront pavées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba. Ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que 77 personnes sont déjà mortes suite à l'épidémie de rougeole depuis le mois de janvier jusqu'à mi-mars de cette année au Burundi. Et le Conseil des ministres tenu au cours de la semaine a recommandé la poursuite de la vaccination chez les enfants de 6 à 5 à 9 mois. Et le représentant du Conseil des médiateurs de la colline Makamba 2 en commune province Makamba déplore que ça certains de la localité sous-estiment ce conseil sous prétexte de leur fonction ou position. Au niveau du tribunal et de grande instance de Makamba, on précise que tous les conflits en matière civile au niveau de la communauté doivent être entendus d'abord au niveau de ces conseils avant de saisir d'autres cours. Et les habitants de la ville de Kayanza plaident pour la réhabilitation des avenues et regrettent qu'en pleine période de pluie, des véhicules éclaboussent les piétons. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la parfaite collaboration d'Innosabi Bonimana. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamungere. Bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro.